Il vaut mieux les dilater les autres. Faut que tu y ailles. Parce que sont comme ça. Les forces occultes du mental ne diront jamais à l'homme quoi faire. L'homme, c'est un être qui est libre. Fait que s'il est intégré son énergie, il part, puis ce qu'il fait, c'est ça. Cet état de certitude-là, est-ce qu'il vient avec l'action qu'on prend chaque fois qu'on a une pensée qui nous déstabilise ou qui nous rend... Pas nécessairement. Le mental humain est toujours alimenté, donc vous allez en avoir des pensées stupides, puis tu t'en occupes pas. Mais quand ça devient important, à ce moment-là, organisez-vous pour pas vous faire shafter. Fait qu'il y a des événements dans votre vie, bon, mais t'es jaloux. T'es jaloux de ta blonde. Mais faut que tu saches si c'est vrai qu'elle te triche. Fait qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre ce que tu vis au niveau mental et ce qui se produit dans ton existence. Fait que c'est à toi de le découvrir. Fait qu'après ça, tu vas avoir la tête nette. C'est plein d'actions que les gens posaient avec une certitude dans un temps donné. Ah, l'homme n'a pas de certitude. Et qui sait. Donc, avec conviction. Ah, pas pareil. Ça va? Pas pareil. Et puis, qui a vécu, lui, comme une certitude et qui s'est avéré au bout de la ligne une ambiguïté, une ambivalence, une situation imprécise. Une conviction, c'est subjectif. C'est subjectif, être convaincu. Mais pour l'individu qui est en développement, une conviction, une certitude. Pas pareil. C'est difficile à faire. Oui, mais c'est du monde comme vous autres qui employez des mots à gauche pas à droite. Vous employez des mots, définissez-les, les mots, arrêtez d'utiliser les mots comme on prend ça dans le dictionnaire de Larousse, puis donnez-leur la définition. Une certitude, c'est une position inébranlable de la conscience humaine par rapport à la vie matérielle, à la vie astrale. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire « don't fuck with me ». Ça, c'est une certitude. Une conviction, c'est un état psychologique, c'est un état subjectif. Tu peux être bien, bien convaincu. Mais quand tu arrives devant les lois de la vie, une certitude, c'est une autre affaire. C'est un autre paix de manche, une certitude. C'est un absolu, une certitude. Puis c'est pas basé sur la croyance, une certitude. Une conviction, c'est basé sur une forme de croyance. Il y a une idée derrière de ça. C'est ça. Bon, ça nous ramène au fait que la certitude est basée sur une conscience vibratoire. La certitude est basée sur une conscience vibratoire. Bon, c'est la problématique. Elle n'est pas basée sur une conscience psychologique. La problématique, c'est d'avoir accès à cette conscience vibratoire-là. Ça fait partie du développement de l'homme, ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie du fait que l'homme doit en arriver un jour à prendre le faux cul, à arrêter de se faire manipuler dans sa tête. Donc, de se faire brûler dans toutes ses convictions. On recommence comme ça? De se faire brûler dans toutes ses convictions. Parce que, l'action que l'individu peut poser quand il est inconscient, il faut qu'elle soit fondée sur une forme illusoire de certitude. Okay. Quand l'homme sera conscient, il n'y aura plus de conviction. Il y aura une incertitude. La conviction, c'est malléable. C'est pas sous ton contrôle, la conviction. Tu es convaincu là, parce que les événements te déconfirment. Parce que la certitude, c'est final, c'est bon, c'est à l'action directe. La conviction, c'est un état psychologique, c'est une perception, la conviction. La certitude, c'est pas une perception, c'est une volonté de pointe. Précise. OK. Comment la certitude traite avec le temps? La certitude travaille avec le temps à court ou à long terme. Autrement dit, un homme peut être certain qu'un jour, il va crisser son camp à Timbuktu. Ça fait partie de sa conscience mentale. Il y a du temps là, puis au fur et à mesure où il va avancer, les événements, il va traiter avec les événements pour s'amener un jour à ça. Final. Moi, en 1972, je disais, un jour, je créerai un club privé dans les Caraïbes. En 1972, je n'étais même pas dans le public dans ce temps-là. J'ai commencé à le faire, ce club privé-là, en 85. Fait que ça fait partie de ça. Une place où du monde peut aller se reposer et avoir la paix. Bon, fait que ça faisait partie de cette certitude-là. Avec le temps, ben, les événements se tassent, puis éventuellement, tu t'en vas là. OK. Donc, à ce moment-là, une personne aurait pu dire, bon, cette personne-là, c'est un visionnaire. Ah, c'est ça comme tu dis, visionnaire. J'essaie de voir le niveau de tension qu'un individu peut vivre quand il vit d'une certitude, parce que je sais qu'une personne qui vit de la conviction a énormément de tension vis-à-vis du temps. La certitude, ça fait partie de ta conscience mentale, ça fait partie de ta voyance, ça fait partie de ta communication avec le plan mental, ça fait partie de ta capacité de voir dans l'avenir, 10, 15, 20 ans, 30 ans dans l'avenir. C'est là, c'est placé, t'attends. Bon, tu travailles vers ça, puis un jour, ça se passe, ça se fait. Donc, ça, la certitude. Tout ce qui se vit est marqué. Pardon? Tout ce qui se vit est marqué. Non. Tout ce qui se vit est écrit. Puis tout ce qui est marqué est fait de volonté. C'est quoi la nuance, là? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'écrivent puis qui s'effacent. Parce que quand c'est marqué, ça ne s'efface plus. OK. Vous voulez dire que ce qui est écrit, une personne lit une certitude. C'est écrit dans tes planètes, c'est écrit qu'un jour tu vas devenir médecin. Ouais. Ça fait partie des probabilités planétaires, la voyante elle l'a vu. Okay. Mais tu finis ton bien. Tu t'as pas marqué. Qu'est-ce que vous faites de la certitude? Parce que tu n'as pas. Non, non, mais qu'est-ce que vous faites de la certitude? La personne qui a vécu une certitude par rapport à ce qui est écrit. Si une personne avait de la certitude par rapport à ce qui est écrit sera marqué. Donc, de la certitude, c'est pas simplement l'aptitude à interpréter de l'information dans des plans. Là. Ça va un non, peu plus la certitude, ça fait partie de ta conscience morontielle, intégrée à ta conscience cérébrale pour l'expression créative de ton ego sur le plan matériel. Ça fait partie de ton identité. Donc, il y a un lien entre ce qui est écrit, ces plans, puis l'aptitude à exécuter ça. Oui, il y a un lien. Ouais. Donc, c'est pas soudé entre ce qui est plan, entre ce qui a ses plans et ce qui a sur le plan matériel. Ça fait partie de ton aptitude. Tu l'as, le matériel pour le faire. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des choses que vous voyez dans l'avenir qui ne se réaliseront pas si vous ne vous mettez pas la main à la pâte? Qui ne serait pas marqué? Il aurait été écrit, point. Oh, c'est intéressant, ça. Moi, ce que je veux, je le fais. Pour vous? Ouais. Mais ça reste strictement pour vous. Vous ne pouvez pas marquer plus que ce que vous pouvez marquer pour vous. Marquer pour moi, ça implique toujours pour d'autres. Qui a des répercussions, ces autres. Ouais. Répercussions, c'est pas nécessairement que ça peut marquer les autres, mais ça veut pas dire que les autres vont marquer par rapport à ce que vous avez marqué. Ouais, pas nécessairement. Ouais. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent marquer par rapport à ce qui a été marqué. Pour eux autres. Pour eux autres. C'est toujours individuel. Tout le temps. OK. Qu'est-ce qui permet donc, à ce moment-là, de dire que la certitude, c'est individuel? La certitude, c'est pas individuel. La certitude, c'est cosmique. Oui, mais ça s'exécute ou ça s'exprime? Ça s'exécute individuellement. Oui. Alors que la conviction, ça peut s'étendre? La conviction, c'est social, collectif. Est-ce qu'il est possible... Un homme qui est dans sa certitude individuelle à cause du facteur créatif qui entre en jeu va toujours déborder de son espace. C'est évident. Tandis qu'un homme qui est dans une conviction personnelle, il peut déborder de son espace, mais il peut aussi brouiller son espace, il peut astraliser son espace. Tandis qu'un homme qui est dans sa certitude individuelle, dans le sens d'avoir intégré son énergie, il va marquer, il va avoir un débordement à cause de l'intensité de sa créativité, mais c'est un produit créatif qui va être repris par d'autres puis continué par d'autres, en fonction de leur individualité, ainsi de suite. C'est comme un arbre qui va pousser, il va les prendre les graines, ils vont répandre d'autres arbres, puis là, les autres graines vont répandre d'autres arbres. Mais ça part de l'individualité. C'est ça la différence entre l'individualité créative basée sur la certitude puis l'individualité créative basée sur la conviction. Il n'y a pas de karma là-dedans. Mm-hmm. Il n'y a pas d'astralité là-dedans. L'homme l'a fait par rapport à lui, par rapport à sa réalité, mm-hmm. puis ça déborde ensuite, ça sert ensuite. Et donc, il est toujours conséquent avec lui-même. Il n'y a aucune responsabilité à l'extérieur. Non. Ça nous amène donc à dire, Bernard, que la certitude, pour pouvoir vraiment l'identifier dans nos pensées, il faut que ça soit toujours amené à soi. La certitude, pour pouvoir l'identifier, pas dans nos pensées. La certitude, ça ne s'identifie pas dans nos pensées. Ça s'identifie dans notre mental. Nos pensées servent simplement à corroborer le facteur créatif derrière ça. Autrement dit, si moi je dis, je dis à ma femme, là je m'en vais, je m'exile en Haïti, là, pour 6 mois, si j'allais par en dedans, puis je dis, là, je m'en vais en Haïti, là, ça me dirait, c'est ça. Ça va corroborer ce que je dis. Autrement dit, la certitude est le produit, est le résultat de l'empire de l'homme sur sa vie, et non pas de l'empire occulte sur la vie de l'homme. Mm-hmm. La certitude, c'est une volonté intégrée, c'est une volonté intégrale. Ça part de l'homme pour l'homme. Mais c'est tellement harmonisé à sa totalité que si l'homme, pour des raisons psychologiques ou pour raisons de jeu intérieur, veut aller par en dedans pour checker, à ce moment-là, ça va être dit, c'est ça. Mais encore, ça sera une forme de doute. Parce que c'est quelque chose de bien intéressant quand on parle de certitude occulte ou quand on parle de principe cosmique matérialisé. Quand un homme s'applique dans une action universelle sur le plan matériel, puis qu'il n'a pas suffisamment intégré son énergie, il peut avoir des petits flottements, il peut avoir des petites questions, il peut avoir un petit peu d'incertitude dans sa certitude. Mais ça dépend de l'individu, ça dépend de son degré de fusion, ça dépend de son degré de conscience, ainsi de suite. Mais un jour, l'homme en aura plus de ça. Quand il va prendre une décision ici, il n'aura plus besoin d'aller par en dedans pour demander si c'est correct. Parce que tant que l'homme va par en dedans, ou qu'il est obligé d'aller par en dedans pour demander si c'est correct, c'est parce qu'il n'a pas parfaitement intégré son énergie. Vous avez déjà dit dans d'autres conférences qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. On ne peut pas être intelligent tout seul parce qu'on doit être capable de vérifier à travers d'autres cerveaux les constantes d'une action. Autrement dit, un homme qui agirait tout seul dans une grosse énergie pourrait très très facilement initier les gens qui sont autour de lui. Autrement dit, les prendre au dépourvu. Tandis qu'un homme, ou les faire souffrir pour des raisons d'évolution. Tandis qu'un homme qui a intégré son énergie, il peut intéresser à ce que les gens autour de lui souffrent. Et s'il est dans une relation très, très étroite de famille, institut ou des enfants avec lui, à ce moment-là, il va en parler pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'on s'en va, là? Seulement, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent, puis c'est tellement dans le bon timing que tout le monde est d'accord. Moi, je m'en vais pas. Je m'exile pas en Haïti tout seul pour mon bien-être personnel. Ma femme est prête pour ça, puis ma fille est prête pour ça, puis moi, je suis prête. On est toutes prêtes les trois pour ça. Si c'était pas dans le bon timing, si c'était 2 ans d'avant, là, ma femme sera pas prête pour ça. Là, ma fille sera pas prête pour ça. C'est ça que je veux dire. Fait que quand tu rentres dans ta certitude et ton énergie est intégrée, tout le monde est prêt pour ça. Fait que tout le monde marche, tout le monde y va dans cette direction d'une façon totalement dégagée, individualisée, puis tout le monde goûte d'une décision créative individuellement, mais qu'ils reconnaissent comme étant parfaitement bonne, intelligente. Pour eux individuellement, comme pour nous collectivement. Est-ce que ça sous-tend, Bernard, que toute cette... Sans ça, c'est une conviction, je m'en vais en Haïti pour m'exiler. Ma femme, elle dit, à quoi? Tu t'en vas t'exiler en Haïti, au moins, va t'exiler à Miami. Tu t'en vas t'exiler en Haïti. Ouais, j'ai mes raisons. Je la comprendrai pas. Fait qu'une conviction, c'est pas bon. Mais la certitude, qui fait partie de la conscience créative, le timing est impliqué là-dedans, tout le monde connecte, puis là, tu fais ton monde. À ce moment-là, ben, tu te dégages de ce que tu veux te dégager. Tu veux améliorer ta vie, puis te créer un mode de vie différent. Maintenant, est-ce qu'une certitude sous-tend une préparation? Oh, c'est intéressant, ça. Une certitude, ça ne sous-tend pas de préparation. Par contre, une certitude, c'est dans un timing particulier qui fait en sorte que tout a été préparé avant. OK. Est-ce qu'une personne peut vivre d'une certitude puis l'autre n'est pas prête à vivre sa certitude? C'est pas une certitude intégrée. Vous voulez dire que... Une certitude, quand t'es dans une certitude, c'est un appointement matériel avec la dynamique occulte de ta conscience mentale. Fait que ça fait partie de ta réalité. Fait que si t'es avec d'autres personnes, ta famille, par exemple, ta famille vit dans le même rayonnement de cette énergie créative-là, dont toi, tu es simplement le canard. Est-ce qu'une certitude, c'est automatiquement partagé, dans le sens que vous venez de l'expliquer, que c'est un appointement cosmique avec... Une certitude, quand c'est une certitude, comme je te définis, c'est parfaitement intégrable par les autres. Okay. C'est parfaitement dans le timing des autres. C'est parfaitement dans le timing de ma fille et de ma femme qu'on a en Haïti. Donc, c'est parfaitement dans le timing. Donc, ça sous-tend que vous avez été préparés ensemble. La préparation, ça fait partie des événements. Okay. Mais on ne s'est pas préparé pour dire, bon, on s'en va en Haïti. Non, mais la décision est instantanée quand les événements font en sorte que tu as assez de feu dans le pédeux pour la faire, là-bas. Mais ce feu-là, est-ce que les trois le partagent? Oui. Ils ont trois et trois le feu. Ouais, ma fille, elle partage un petit peu moins parce que ma fille est pas dans un mouvement de responsabilité dans la famille. C'est plutôt ma femme puis moi. Ma femme, elle partage par rapport à moi. Quand ma femme a voulu avoir le faux cul, elle l'a, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'elle est sensible à ma réalité comme moi je suis sensible à sa réalité. OK, ça se communique. Fait qu'on s'allume mutuellement. OK. Mais ça sous-tend que vous... Du moment que c'est pas une conviction. Parce que c'est une conviction, moi je pourrais l'avoir, elle n'aura pas, le timing ne sera pas bon, elle me crissera là. Elle dira, va t'exiler, moi je ferai ça avec mes fleurs. OK. Qu'est-ce qui peut permettre entre deux individus de convenir d'une même certitude? Et parce que vous autres, vous avez quand même un 14-15 ans là, d'exploration à différents niveaux de vos états, puis de vos humeurs, puis de ci, puis de ça. Qu'est-ce qui permet à deux individus de convenir la même certitude? Si ce n'est pas une préparation psychologique, c'est quoi qu'il faut comme ingrédient pour... Pour que les êtres vivent dans leur esprit. Chaque être, pour que chaque être vit dans son esprit. Mm-hmm. Si tu vis dans ton esprit, dans une famille, ton enfant vit dans son esprit, ta femme, Marie vit dans son esprit. À ce moment-là, vous avez accès aux mêmes vibrations, vous avez accès aux mêmes perceptions, vous avez accès aux mêmes données, bon, ça, vous avez accès à la même intelligence, vous comprenez la même affaire. Ça veut dire qu'il faut une proximité entre les êtres? Mais il faut vivre dans son esprit. Si vous ne vivez pas dans votre esprit, vous vivez sous plan psychologique, donc vous vivez dans vos personnalités. OK. Ce que je veux dire, est-ce qu'il faut absolument pour des individus vivre dans le même cadre de référence matérielle, travail, social, humain? Est-ce qu'on peut extensionner ça de la famille? Est-ce qu'on peut s'étendre vers le travail ou le milieu social pour vivre de cette communion d'esprit-là? Oui, vous pouvez. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui se produira un jour. Un jour, il y aura du monde qui dira « Ouais, je n'ai plein de cul, je m'en vais en Haïti. Je m'exile. » Oui, mais excluant Haïti pour vivre la certitude. Ben, si on peut vivre une certitude sur d'autres dimensions, oui. Est-ce qu'il faut absolument partager une même certitude, avoir vécu quelque chose ensemble? Un état de survie, une situation affective ou quelque chose du genre? Faut que vous en souffriez pareil. Pas nécessairement au même degré, mais il faut que vous soyez conscient de la confusion qui règne dans un événement de vie quelconque. OK. Ça n'exige pas une solidarité de ce que vous parlez. C'est de la solidarité. Par conséquent. Mais c'est pas une solidarité psychologique. OK. C'est plutôt un mouvement unifié de 2-3 personnes, 4 personnes. Reconnu entre eux, oui. Et précisé par un? Mis en action par un. Par orienté, développé par un. Mis en mouvement par un. Plutôt qu'il y en ait un qui le met en mouvement. Non, mais tu sais, je fais la nuance parce que souvent on voit des conflits de leadership sur. On dit souvent les gens disent la même chose, mais ils ne réussissent pas à s'entendre pour des questions de personnalité. Bon, mais ça, c'est des conflits de leadership. Ouais. Du leadership, c'est de la mise en valeur d'un individu au détriment des autres. Mm-hmm. Dans une conscience créative, dans un appointement de volonté créatif, dans un appointement de volonté créative où tu as de la certitude, il n'y a pas de leadership. C'est pas du leadership, ça. C'est simplement qu'il y en a un qui est plus en vibration que l'autre pour actualiser une chose. C'est celui qui en souffre le plus, probablement qu'il l'actualise. C'est intéressant. Vous dites que c'est celui qui souffre le plus de la vibration de cette certitude-là qui va être mandaté, ni plus ni moins. C'est évident. Qui c'est que tu penses qui souffre le plus de vivre dans le système matériel avec lequel on compose aujourd'hui? C'est moi. C'est moi qui paye les comptes à la maison. C'est moi qui travaille. Mm-hmm. C'est moi qui me fatigue. C'est moi qui voyage. C'est moi qui est obligé de payer mes avocats. C'est moi qui est obligé de payer le comptable. C'est moi qui est obligé de payer le gouvernement. C'est pas ma femme. Ma femme est consciente de ce que je vis. Donc, à cause de sa sensibilité, elle voit. Une femme qui aime son mari ou qui est sensible à son mari ou une fille ou un enfant qui est sensible à ses parents, avouez, les gens qui sont en orbite autour de toi, si tu veux, dans un noyau familial, ils voient. Fait que ma femme, elle veut pas. Elle n'aura le bol que je n'aura le bol. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui fait que c'est facile pour elle de voir le côté agréable de cette décision-là. Mm-hmm. Mais pour ça, pour qu'elle soit dans son esprit. Pour ça, il faut pas que j'aie une conviction personnelle. Pour ça, il faut que je leur démontre que c'est bon pour nous trois. Pour ça, il faut que je crée un mode de vie pour nous trois. Mm-hmm. Pour ça, il faut que la décision soit bonne pour nous trois. Pas pour moi. Oui, je comprends. Bon. Le facteur de complicité dans l'esprit, jusqu'où il peut se rendre? Le facteur de quoi? De complicité dans l'esprit. Quand deux individus partagent d'une même certitude. Bon, c'est pas de la complicité, c'est de l'harmonie. C'est de l'harmonie dans l'esprit. Qu'est-ce que vous faites comme différence? Bien, de la complicité, c'est une prise de position particulière d'un esprit par rapport à un autre, qui peut être plus ou moins avantageux à l'autre, tandis que l'harmonie, c'est simplement la reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est l'infusion d'un dans l'autre, c'est de l'immixtion. Mon esprit est immixé dans celui de ma femme, celui de ma femme est immixé dans le mien, même chose pour notre fille. C'est de l'immixion. Ça, c'est pas de la complicité. La complicité, c'est psychologique. L'immixion, c'est plus intégral, c'est plus unifié, c'est plus... Ça se nourrit pas de l'extérieur. Non, aucunement de l'extérieur. Ça fait partie du mouvement de l'esprit. C'est une des particularités de l'harmonie, ça, de ne pas aller chercher à l'extérieur des ingrédients pour se nourrir ou s'alimenter. Une des grandes particularités de l'harmonie, quand elle est occulte, mentale, consciente, intégrale, c'est qu'elle ne trouble jamais le niveau d'énergie de l'autre, même si le niveau de l'énergie de l'autre n'est pas aussi accentué que le tien. Autrement dit, de l'esprit, c'est universel. De l'esprit, c'est sien, pas chien, sien. Quand tu es dans ton esprit, tu peux pas être chien. Tu es sien. Fait que si je suis dans mon esprit, ma femme est dans son esprit, ma fille est dans son esprit, on est tous les trois sien. Il n'y en a pas un qui est chien. Comprends-tu? Très bien. Une différence. Oui, laissez. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de complicité. On n'a pas besoin de leadership. On sait. De l'esprit, c'est sien. Si tu n'es pas dans ton esprit, mais à ce moment-là, tu vas être plus ou moins chien. Donc, tu vas être la conviction. Ouais. C'est les ingrédients pour réaliser ça, l'harmonie. Hein? Les ingrédients qu'il faut pour réaliser ça, une harmonie, au moins avec une personne. Là, vous l'avez fait avec deux. Hein? L'harmonie, là, dans le sens que je le parle, là, dans le sens que l'homme connaîtra au cours de l'évolution, c'est la dépersonnalisation intégrale de son moi. Donc, tu vis même plus au niveau de ta personnalité. Tu vis au niveau de ton esprit. Tu vis pas pour toi. Tu vis pour toi, puis pour les autres en même temps. Moi, quand je vis pour moi, puis je vis pour ma femme, je vis pour ma fille. C'est un package deal, c'est un contrat. Mais c'est au niveau de l'esprit que ça se fait, c'est pas au niveau de la personnalité. Mais vous avez identifié deux personnes. Quand vous vivez, comme vous dites, là, vous avez identifié deux personnes, vous en occupez pendant 40 ans. Mm-hmm. C'est ça. Ça en occupe forever. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'harmoniser avec tout le monde. Non, impossible. OK. Donc, on peut pourquoi? Parce que les gens ont différents karmas. OK. Moi, je connais du monde dans la vie que j'aime bien, là, je les aime bien, ils sont bien fins. Mais je ne peux pas m'harmoniser avec eux autres parce qu'ils ont du karma à brûler. Puis qu'avoir du karma à brûler, ça veut dire qu'ils ont une longueur d'onde qui ne connecte pas parfaitement avec la tienne. C'est pour ça qu'une famille, c'est si important. L'homme ne trouvera jamais en société ce qu'il peut trouver dans sa famille. Quand je parle de famille, là, je parle de toi et ta blonde, toi et ton chien, toi et ton chat, toi et ton singe. Un gros karma. Autrement dit, la grande réduction de l'être social, ta femme, tes enfants, tu pourras jamais retrouver ça en société. Un homme ou une femme qui échangerait l'harmonie de sa famille pour une harmonie sociale, il ferait une erreur. Donc, en soi... Il n'y a rien de plus fondamental que la famille. Il n'y a rien de plus nucléaire que la famille. Il n'y a rien de plus extraordinaire que la famille. Dans le sens de ce qu'elle peut être. Par contre, on sait par expérience qu'il n'y a rien de plus terrible, souvent, que la famille. Quand les gens souffrent, la femme souffre, l'homme souffre, les enfants souffrent. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens s'en vont dans le social. Pour remplacer la famille. Ils remplacent les amis par la famille. Oui. Mais ça fait partie du fait qu'ils ont un karma à vivre. Puis que quand ils ont brûlé ce karma-là, ils reviennent à la famille. S'il en reste éventuellement, ils reviendront dans une vie ou dans une autre, mais éventuellement, il faut que l'homme revienne à la famille, parce que faut que les âmes se rencontrent. Ce que vous appelez les âmes sœurs, il faut que ça se connecte, ces affaires-là, un jour. Fait que si ça se connecte pas d'une vie, ça va se connecter d'une autre vie, il faut que ça se rencontre un jour. Bon, est-ce qu'on peut retenir le fait qu'on ne peut pas s'harmoniser avec autre chose que sa famille? Non, on peut s'harmoniser collectivement avec des gens à l'extérieur, mais je sais, par expérience, que les gens avec lesquels tu peux t'harmoniser, c'est graduel, ça, c'est tout gradué, ça. C'est avec ta famille que tu t'harmonises le plus, puis quand tu tombes vers l'extérieur, là, ça devient plus... Flou. Non, c'est très très précis, au contraire. Seulement, c'est, les nombres sont très très limités. Les gens avec lesquels tu peux t'harmoniser à un certain niveau, à un certain degré, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, t'es si t'es connais. Ça, ça devient ce que tu appelles tes amis, tes alliances. Mm-hmm. Mais dans une situation donnée où ce qu'on a à vivre d'une certitude et à poser des actes intelligents là, à travers un échange, un dialogue, c'est quand même des groupes très réduits là, dans ce que vous parlez. Vous, dans votre cas, vous identifieriez peut-être ça à 15-20 personnes maximum là, que vous pouvez vous harmoniser pour des prises de décision ou des prises d'action. Oui. Oui, parce que tu peux pas... Quand tu es conscient de l'homme, tu sais, quand tu es conscient de l'homme, puis tu vois l'homme, puis tu vois à travers l'homme, tu es conscient de ses vibrations, tu es conscient de ses états d'âme, ainsi de suite. Tu peux pas être en contact avec une multitude d'individus puis vivre cette sorte de vibration là. C'est impossible. Parce que l'énergie, c'est hiérarchisé. C'est hiérarchisé. Mm-hmm. Fait que tu peux le vivre avec ta famille, là, c'est un petit nombre, mais par ça, tu peux t'étendre ça à l'extérieur, là. Puis c'est pas long que tu identifies les gens avec lesquels tu peux le faire. Puis après ça, là, ben, tu peux avoir des relations sociales polies avec le monde. Mais tu peux pas avoir cette intimité extraordinaire qu'un homme conscient peut avoir avec des êtres qui ont une certaine vibration. Parce que ça se connecte pas. Mm-hmm. Tu deviens psychiquement trop exigeant. Mm-hmm. Tu deviens psychiquement trop vibratoire. Tu vois tout. Tu vois trop. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu es obligé de respecter les limitations karmiques de l'individu, puis attendre que l'individu évolue, puis laisser l'individu évoluer. Sans ça, tu l'étouffes. Tu le mets en initiation instantanée. C'est quoi ça, être psychiquement exigeant? Être psychiquement exigeant, ça veut dire que, dans la mesure où tu as un rapport d'échange avec certains individus, dans cette pyramide d'énergie-là, à un certain niveau donné, il vient un point dans l'apex de ça, si tu es conscient, si tu as intégré ton énergie, si tu n'as pas de personnalité là-dedans, ça fait partie de ta fusion, ta conscience universelle, rendu à ce point-là, tu peux plus vivre ce que j'appellerais de l'opposition psychique. Moi, si je fais quelque chose, puis ça fera pas l'affaire à ma femme qu'elle vivra une opposition psychique par rapport à ce que je fais, je serai obligé de la prendre en considération puis de bien regarder son point de vue. Parce qu'elle aurait la force de casser son lien avec moi, quand tu es conscient. Mm-hmm. Fait que tu peux pas vivre d'opposition psychique dans ces registres vibratoires-là, parce que tu souffres énormément. La souffrance est immense. D'ailleurs, c'est une souffrance que l'homme connaît même pas. C'est une souffrance qui est immense. Pourquoi? Parce que c'est tout ton feu, c'est tous tes chakras qui sont mis en vibration. Puis ça peut te ruiner une journée, ça peut te ruiner deux jours straight. Une semaine. Un mois. Ça te met en vibration, t'es mis en vibration tant que c'est pas ajusté, cette énergie-là. Mm-hmm. Fait que ça va avec tes enfants. Moi, je regarde ma fille là, qui a 20 ans, là, 19-20 ans. Puis quand elle vibre, elle vibre. Fait que je suis obligé de regarder quand elle vibre. Je peux pas dire, ah, c'est ma fille, là, puis moi, je suis ton père. Moi, je suis pas de même. Ça, c'est bon, on a le temps de Duplessis. Là. Là, c'est ma fille, là. Elle a 20 ans, là. Elle est éduquée. Elle connaît la game. Elle est dans son identité, là. Fait qu'à ce moment-là, là, j'étais à Saint-Adèle l'après-midi, là, puis elle a passé au-dessus de la ville en avion, là. Puis je faisais de la barque à ma femme, je disais, dis que cette petite crotte-là est d'un avion dans les airs. 19 ans. Petit bout de cul, là, c'est une joke, faisons parler. Est dans les airs d'un avion. Nous autres, Chris, on a de la misère à monter d'une échelle. Comment tu le dis? Puis ça, c'est à 19 ans, c'est dans les airs. C'est déjà dans les airs. Fait que quand un enfant est dans son identité, puis dans sa conscience vibratoire réelle, à ce moment-là, tu peux pas être en opposition psychique. Parce que si tu es en opposition psychique, la petite, elle sera capable de dire, hey, le père, là, c'est assez, là, wow. Pourquoi? Parce que son esprit saurait qu'il sera capable de mettre mon esprit en échec. Parce qu'elle sera capable de me bluffer, de dire, ouais, c'est assez! Elle est capable de passer cette vibration-là. Fait que c'est pas parce que je suis son père et que je suis Bernard de Montréal qu'elle va se mettre à terre devant moi. C'est fini, ça. Je l'ai éduqué, là, je l'ai rentré dans sa force, je lui ai donné cette éducation occulte qu'elle a de besoin, là, pour commencer à vivre. Non, à cette heure qu'elle est prête, là, elle est capable de dire, ouais, c'est assez, là. Wow! Fait que quand elle dit, wow! Que je ferme ma gueule, elle me l'a fait de l'an passé. J'ai fermé ma gueule. Ça veut dire que là, je suis prête, là, je suis dans mon identité, là, tu m'as tout donné les outils, c'est assez. C'est même que ça marche. Fait que l'opposition psychique rendue à ce point-là, il n'y a plus. Merci beaucoup, Bernard. Ouais. On se revoit dans la deuxième partie, dans 25-30 minutes.